FF, gagner du terrain de jour en jour. Puis si Dieu veut, tout ira bien un jour. L'album FF en vente pour que ça aille mieux. L'album FF en France, grâce à Dieu. FF, FF, on cherche pas la guerre, mais la vérité, l'ami. FF tient la route, unis au hip-hop à vie. On cherche pas la guerre. Personne nous endort, on demande rien à personne, mais on agit. FF. On a la foi et agir avec la furie.